Si j'inventais la couleur de l'amour, ce serait celle de tes yeux à la lisière de mon regard. Si j'arborais le blason de l'amour, ce serait celui de ta douceur sur le bord de mes lèvres. Si je psalmodiais la chanson de l'amour, ce serait par le refrain de tes mains dans le chant de mes caresses. Si je devenais la musicienne de l'amour, ce serait par la seule symphonie de nos corps éblouis. J'ai coloré mon corps de l'arc-en-ciel de tes yeux. J'ai peint les rives du désir de la douceur de tes mains. J'ai inventé les berges du plaisir avec la couleur de tes yeux.